Avoir 16 ans et faire du rock'n'roll. Une longue enquête sur le terrain étaye l'intervention de Marc Touché du Centre d'études interdisciplinaires de Vaucresson, rattaché au CNRS. Il évoque deux situations. Celle de l'organisation complexe du groupe d'adolescents, organisation inconnue des décideurs institutionnels, et celle du groupe en face d'une société qui ne réagit pas toujours avec à propos ou qui le fait souvent avec retard. Négocier sa place dans l'espace urbain se fait parfois douloureusement. Marc Touché. Ces jeunes forment des groupes que le sens commun, le monde politique, voire scientifique, nomme étiquette de rock. Et nous avons pu nous rendre compte que tous les membres de ces groupes que nous avons rencontrés revendiquaient une labellisation bien particulière. Hard, rock'n'roll, heavy rock, funk, et j'en passe. Ces revendications de choix culturels, identifiables donc par des pratiques sonores, ont des conséquences sociales non négligeables puisqu'elles recouvrent des appartenances à des réseaux locaux particuliers et à des lieux. D'une façon générale, cette constellation regroupée sous l'étiquette pratique du rock est associée à la catégorie jeune et à celle de pratique informelle au sens de regroupement d'associations d'individus non institutionnels. En fait, ces groupes sont alors reconnus comme déviants. Alors déviants, ils gênent. Et comme je vais l'évoquer, faire un groupe lorsque l'on a 14, 15, 16 ans, ce n'est pas passé inaperçu, entre autres, par sa propre production sonore. On peut dire que c'est un phénomène essentiellement urbain, concernant une classe d'âge de 12-24 ans, de sexe masculin et principalement de statut scolaire. Donc on va venir aux quelles sont les pratiques sonores donc, des groupes que j'ai observés. Alors tout d'abord, l'instrumentarium de départ, c'est-à-dire au moment où ils décident de former un groupe, sont en relation directe avec le pouvoir d'achat lié au milieu social. Ils utilisent des amplificateurs qu'ils manipulent souvent dans une quête incessante d'un son rêvé. Vous pouvez le voir ça si vous allez dans le métro à la station des Halles. Les groupes qui répètent passent plus de temps à régler entre les morceaux qu'à jouer un morceau. C'est-à-dire, il y a une quête d'un son mythique. Je sais pas. Ils utilisent donc et accordent beaucoup d'importance aussi aux basses fréquences. Hein. Les bassistes ont un rôle central, et sont vraiment les pivots de la fondation hein, de ces groupes. Alors il y a un état de vibration corporelle non comptable, hein, non racontable, et l'on comprend alors pourquoi travailler au casque n'a strictement aucun sens pour beaucoup de ces musiciens. Alors j'avais aussi noté que cet usage des basses hein, suramplifiées semblait central dans la relation au voisinage. C'est-à-dire que les gens qui se plaignaient parlaient plus souvent de vibrations perçues que de sons. Alors pour eux, faire du bruit, c'est un plaisir, une fête, une détente. Et j'en avais conclu que c'était un peu leur silence à eux, qu'ils oubliaient les bruits de la vie. Alors malgré tout, quelques-uns établissaient une hiérarchie de faiseurs de bruit, de bruyants dans le groupe. Et se plaignaient donc à l'intérieur du groupe du bruit des autres. Et alors là, j'avais noté que le batteur avait vraiment la palme d'or. Si au début tous n'avaient pas conscience qu'ils pouvaient gêner, il y a une évolution, une prise de conscience qu'on ne peut pas jouer n'importe où, et cela ils l'apprennent dans l'interaction sociale, dans le conflit permanent, mais beaucoup mettent vraiment beaucoup d'années à l'intégrer. Alors il y avait un autre point tant que j'étais dans le matériel avant de passer au lieu, c'est qu'ils utilisent donc des amplificateurs, et donc il leur faut absolument un lieu, un espace habitable avec un confort minimum et aussi d'intimité, parce qu'on verra que la quête donc de ce territoire, c'est aussi la quête d'un deuxième chez-soi. Je parlais des lieux. Il y a des lieux désignés ou qu'on leur désigne comme musicaux. Et il y a des lieux qu'ils s'allouent eux-mêmes parmi un ensemble de possibilités étroitement liées à leur positionnement social. Parmi les cheminements, parcours urbains d'un lieu à l'autre, sachant qu'à chaque changement correspond presque systématiquement une plainte, une pétition, une intervention de gardien, une descente de police, nous avons repéré un parcours du pauvre et un parcours de classe moyenne. Donc dans le parcours du pauvre, ça commence dans la chambre. Ça tient pas longtemps, c'est évident. Après, ils descendent dans la cave HLM, ou l'escalier. On se course avec le gardien, on se branche sur les douilles d'électricité, on bricole. Et après, il y a le garage à vélo. Et ces jeunes-là finissent au club de prévention. Ça, c'est important parce qu'ils se retrouvent dans des lieux institutionnels. Alors, le parcours classe moyenne, ça commence dans la chambre aussi, et après, le garage dans le jardin. Mais ça tient pas non plus parce que c'est les voisins là, qui interviennent. Après, ils tentent le pavillon d'un autre membre du groupe, c'est-à-dire il y a un déplacement de pavillon en pavillon, et puis ils finissent donc alors, dans des studios loués. Alors donc, dans cette quête de territoire hors institution, il semblait qu'ils cherchaient un terrier, caché des regards extérieurs, un abri des oreilles inquisitrices. Ils savent qu'ils balbutient et préfèrent ne pas être trop entendus, une sorte de pudeur musicale. Des repères où l'on se replie en groupe, pas forcément pour y faire de la musique, En général, ces lieux sont acquis de haute lutte après de multiples négociations. Ils doivent négocier leur place après avoir essayé de l'imposer. Ils deviennent donc des partenaires. J'avais noté que, d'une part, ils tendaient toutes ces quêtes de territoire, c'était axé sur le non-partage avec d'autres groupes. C'était vraiment, chaque groupe avait son territoire. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ça un territoire. Et que pour les jeunes issus de classes très défavorisées, on pouvait considérer que c'était une vraie une conquête sociale importante pour des jeunes qui ne possèdent rien et vivent quotidiennement dans une grande promiscuité. D'où l'importance de ce lieu de répète, comme ils disent, qui sont des écoles de musique de la rue, de véritables lieux d'apprentissage et de socialisation. Alors donc je passe à la conclusion. Nous avons vu que les jeunes des groupes observés ne recherchent pas systématiquement la coupure du monde adulte. Ils se posent en partenaires, apprentis négociateurs de leur place de faiseurs de musique face au monde des adultes qui les identifient souvent à des faiseurs de bruit. Ces groupes refusent le plus longtemps possible un encadrement institutionnel, refusent et réagissent aux diverses sanctions et exclusions qui, par à-coups, les éloignent de leur lieu résidentiel. Ils revendiquent dans les entretiens, mais aussi auprès de leurs interlocuteurs, le droit à exercer leurs compétences de musiciens autodidactes débutants. Alors, donc, ils préfèrent un local dans l'espace micro-local de leur champ résidentiel. Leur refuser une place, c'est les exclure, les marginaliser en quelque sorte. À ce niveau, on peut dire que les raisons de l'exclusion ou des plaintes ne sont pas nécessairement liées qu'à l'aspect acoustique, mais à un ensemble de faits qui se rapportent à l'existence même d'un groupe de jeunes, à ses modes de vie, allures vestimentaires, etc., aller et venue plus ou moins incessants autour du local. Si tous les discours politiques se gargarisent d'insertion sociale, on peut peut-être estimer que le rock est l'un de ces aspects. Et bien souvent, donc, des travailleurs sociaux en témoignent, le groupe fonctionne comme un élément de prévention à la zone, à la galère, à l'isolement. Les associations, les éducateurs, les élus sont confrontés à une logique de revendication de droits sociaux nouveaux. Avoir le droit à un espace urbain en tenant compte des spécificités des âges de la vie. Alors là, j'insiste bien, tout est à faire au vu des enquêtes que j'ai réalisées en proche banlieue. Je ne nie pas par là les pratiques pilotes très marginales dans quelques villes, il y en a, mais tout est vraiment à faire. Et tant qu'on en est à reconnaître l'existence de ces mini-groupes sociaux qui sont problématiques de par leur usage sonore, pourquoi ne pas chercher à créer avec eux, à rêver avec eux des lieux à innover à l'occasion des rénovations d'HLM, des rénovations de quartiers, lors de création ou d'extension de villes nouvelles, de zones pavillonnaires. Il faut repenser la politique vers la jeunesse et ses pratiques sonores et tirer les leçons de l'opération Maxi-Rock Mini-Bruit du ministère de la Culture, parce qu'on avait pu constater à l'époque qu'elle n'arrivait pas aux jeunes des cités, en tous les cas, et ils n'en profitent pas. Et la morale de la fin, ça serait plutôt que lutter et déclarer la guerre aux groupes de rock, ne faudrait-il pas les accepter comme partenaires dans l'espace urbain et les intéresser à la quête de solutions, donc établir aussi une concertation avec des groupes de jeunes qui, dans le domaine des pratiques culturelles, sont considérés quand même comme des parias. Voilà.